centimètres, tu m'ennuies. À un mètre, tu me désespères. À 10 mètres, c'est du pareil au même. À 100 mètres, c'est une question je te de vois distance. À 1 kilomètre, je t'imagine. À 10 000 kilomètres, je respire de distance. À 100 000 kilomètres, c'est une question de distance. C'est le verre d'eau, c'est d'oxygène. L'amour est une question d'oxygène. Distance. 150 000 kilomètres, c'est une question de distance. C'est encore mieux. À 250 000 kilomètres, les hommes sont lâches. La toute question de distance. Les femmes sont admirables. L'amour est une question de distance. Je te